إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد donc الحمد لله la semaine passée on avait terminé d'expliquer trois des premiers termes qui sont utilisés pour décrire Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Donc on avait expliqué que le premier c'était Ahl-Sunnah al-Jama'ah, le deuxième Ahl-Hadith, le troisième Ahl-Athariya ou Ahl-Athar, et maintenant on va expliquer le quatrième qui est Al-Firqat al-Najiyah. Mais avant de rentrer dans ce sujet-là, il y avait un petit point que je voulais mentionner, c'était que on avait parlé dans Ahlul Athar, Al-Athariya ou Ahlul Athar. Il y a une chose qu'on doit comprendre, parce qu'on a parlé aussi au tout début, avant de parler de ça, on avait expliqué que il y avait quatre points, six points qu'on devait tenir compte au sujet de lorsqu'on prétend ou qu'on s'attribue à Ahl-Sunnah al-Jama'ah, et on avait mentionné que yani, on ne doit pas établir notre wala, notre bara, ou de s'allier avec les gens, ou de se distancer, ou de se couper de certaines personnes par rapport à un groupe, ou à une personne, un individu, ou à yani, un parti. Parce que on doit tous baser notre wala et notre bara autour de yani, le Coran et la Sunnah et la compréhension des salaf. Ok. Et puis qu'est-ce qui arrive parfois, c'est que une personne peut être connue comme étant un salafi et qu'il fait partie des gens qui appellent à cette da'wa, puis par la suite elle tombe dans une bid'a. D'accord. Donc une fois qu'elle est tombée dans cette bid'a, les ulama qui l'ont averti par la suite vont lui donner une nasiha et tout. Si la personne se repentit, elle revient à la sunna, elle laisse tomber son erreur, alhamdulillah rabbil alamin, on le considère comme si rien n'était arrivé, c'est un de nos frères et amis qui ont continué à le supporter dans la vérité. Mais si par exemple la personne commence à devenir arrogante, il commence à rejeter la sunna, il refuse d'accepter la nasiha, il continue à appeler à cette bid'a, alors dans ce cas-là, yani, la position vis-à-vis cette personne-là va changer. Et les ulama vont commencer à avertir les gens contre cette personne. Et qu'est-ce qui est arrivé parfois, c'est que certaines personnes qui ont commencé à apprendre da'wa salafia, ils ont étudié avec une de ces personnes-là, et que cette personne par la suite a eu un changement dans sa voix ou dans sa façon de comprendre la da'wah, eh ben, les gens commencent à s'attacher émotivement à cette personne, même si elle a changé. Et ils commencent à prendre, une position de défense pour la personne, malgré son erreur. Alors, qu'est-ce qui arrive à la suite de ça? Il y arrive une sorte de ta'assoub. Une personne commence à devenir défenseur de quelqu'un, même dans ses erreurs. Et ça, c'est grave, parce que da'wah, comme on a expliqué, cette da'wah, elle n'est pas basée autour d'une personne. elle est basée autour du Coran et de la Sunna. Et donc, si on ne suit pas les gens, mais on suit la vérité. Et si une personne quitte la vérité, eh bien, on ne la suit pas dans ses erreurs ou dans sa bid'a, mais on suit Al-Kitab wa Sunna. Donc ça, c'est un point important que je voulais mentionner. Aussi, c'est qu'il n'y a pas dans l'islam plusieurs groupes ou plusieurs jama'at, comme certaines personnes essaient de le faire comprendre. En fait, il y a une Hizbullah ou Hizb al-Shaytan. Il y a une partie d'Allah et une partie du Shaytan. Et il y a la jama'a à laquelle on doit appartenir, le groupe auquel on doit appartenir, c'est l'islam. D'accord ? Donc, tous les musulmans, on doit tous faire partie d'une seule jama'a. C'est-à-dire l'islam. D'accord ? Et les principes de cette jama'a, de l'islam, c'est basé sur le kitab et le sunnah. Donc tous les autres groupes et les partis qui sont basés sur autre que ça, ok, et bien eux, ils n'ont aucune obligation ou aucun droit d'être suivis. D'accord ? Ça, c'est important de comprendre parce qu'il y a des musulmans qui permettent aux autres, qui essaient de permettre aux musulmans de faire des partis, de se diviser en parties et en groupes, et chaque groupe ayant un amir ou un chef auquel il donne un serment d'allégeance ou d'obéissance, hein, et il se divise en groupes. Donc ça c'est une bid'a qui est apparue dans les derniers siècles et qui existait depuis avant chez les soufis ou chez d'autres groupes parmi les musulmans qui se divisent en tariqa ou en groupe et puis chaque chef a son bid'a ou etc. Donc ça c'est des formes de division dans la Ummah qui sont interdites. Maintenant, on peut revenir au sujet du Dabs d'aujourd'hui. Le quatrième point. Rabi'an, al-Firqatun Najiyah. Donc, ça, c'est la quatrième appellation qu'on peut utiliser pour décrire les gens qui suivent Al-Kitab wa Sunnah selon la compréhension des Salaf. C'est-à-dire le groupe sauvé, al-Firqa al-Najiyah. Hein, et le chef, il dit, hey, al-Najiyah min al-Nar, hayth. حيث استثناها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفرق لما ذكر الفرق وقال كلها في النار إلا واحدة يعني ليست في النار واحدة ليست في النار قال الحافظ الحكمي في معارج القبول وقد أخبر الصادق المصدوق أن الفرقة الناجية هم من كان على مثل ما كان عليه هو وأصحابه. Donc, le chef il explique, il dit que le groupe sauvé, c'est-à-dire c'est le groupe sauvé de l'enfer, c'est le groupe qui sera sauvé de l'enfer, celui que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a exclu des autres sectes et des autres groupes qui seront brûlés dans le feu en disant elles seront toutes dans l'enfer excepté une. Lorsque on connaît tous les hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les Juifs se sont divisés en 71 sectes, et les chrétiens se sont divisés en 72 sectes, et cette Ummah se divisera en 73 sectes. Elles seront toutes en enfer, excepté une seule. Hein? Dans une narration de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est al-Jama'a. C'est-à-dire, c'est le groupe. C'est al-Jama'a. D'accord? Et dans tous les hadiths que vous allez lire, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « alaykum bil jama'a » ou « hiya al jama'a » ou des choses comme ça, c'est-à-dire il parle toujours d'un seul groupe, d'une seule jama'a. Il ne parle jamais de plusieurs jama'a, ou yani, comme les gens d'aujourd'hui ont inventé chaque groupe yani, comme étant une nouvelle jama'a. Okay? Et ça c'est contraire à la compréhension ou aux bases du Coran et de la Sunna, comme on a expliqué tout à l'heure. Donc, la jama'a, c'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans une autre, ça c'est la riwaya que je vous ai dit, la jama'a, et dans l'autre riwaya, dans l'autre narration, c'est ma ana alayhi yom wa ashabi. C'est le groupe dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ceux qui sont sur ceux que je suis moi-même aujourd'hui, ainsi que mes sahaba. Donc ça, c'est le groupe sauvé. Et c'est ce groupe-là, et c'est cette jama'a qu'on doit suivre. C'est-à-dire la jama'a de ceux qui suivent, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi, ainsi que les sahaba. D'accord ? يعني on est donc c'est ça le cheikh il cite par la suite une parole d'un des ulama qui s'appelle Hafiz al-Hakami qui a écrit un livre qui était Ma'arij al-Qabul. Ma'arij al-Qabul. Et dans ce livre-là, le cheikh il dit وَقَدْ أَخْبَرَ le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé que le groupe sauvé, ce sont ceux qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ceux qui font ou qui suivent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les sahaba. D'accord? Et donc ça c'est une explication pour la quatrième. Le cinquième maintenant, c'est la cinquième appellation, c'est At-Ta'ifatul Mansoura. At-Ta'ifa al-Mansoura. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le groupe qui est victorieux. Le groupe auquel Allah subhanahu wa ta'ala donne la victoire, al-Nasr. D'accord? Pardon? At-Ta'ifa al-Mansoura. At-Ta'ifa al-Mansoura. Ça veut dire le groupe victorieux. Le groupe victorieux. Et le cheikh il dit, وهذه التسمية مأخوذة من قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم على ذلك أو وهم ظاهرون. Il dit ce nom est pris d'un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, rapporté selon Al-Mughira ibn Shu'ba, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un groupe de ma umma restera toujours victorieux jusqu'à ce que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive alors qu'ils seront toujours victorieux, jusqu'à la fin des temps. » Il y a une autre narration de ce même hadith, ok. Donc ce hadith a été rapporté de différentes versions. Et une des versions qui dit « La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khazalahum, wa la man khalafahum, hatta ya'tiyahum amrullah wa hum ala thalik. » L'autre version, elle dit « Un groupe de ma umma restera toujours victorieux, et ceux qui vont les abandonner, et ceux qui vont les trahir, et qui vont, ceux qui vont les abandonner et ceux qui vont les s'opposer à eux ne pourront leur nuire en rien jusqu'à ce que leur, ils vont rester de cette façon victorieux jusqu'à ce que leur jugement arrive et ils seront toujours victorieux. Hein? Et bien entendu, il y a annoncé une victoire, victorieux dans le sens, victorieux par la preuve de l'Hujja, et victorieux aussi par la force, par l'épée, si c'est une période de force des musulmans. Nous pourrons leur nuire en rien. Ceux qui leur qui s'opposent à eux, ceux qui s'opposent à eux et ceux qui les abandonnent ou qui les laissent tomber, et dans un autre hadith aussi, ceux qui les traitent de menteurs, ceux qui les traitent de menteurs, nous pourrons leur nuire en rien. Voilà, donc كذبهم dans un autre hadith aussi. Donc ce hadith est très célèbre. Et un petit point au sujet de ces deux dernières appellations, c'est que quand les ulama ont parlé par exemple de At-Ta'if al-Mansoura, quand les gens ont demandé aux ulama, comme par exemple Al-Imam Ahmad et Abdullah ibn al-Mubarak et d'autres, on leur a demandé qui sont ces gens, qui est ce groupe victorieux. Et l'imam Ahmad et Abdullah ibn Mubarak et d'autres ont dit, si ce ne sont pas Ahlul Hadith, je ne sais pas qui d'autres ils sont. C'est-à-dire que ce sont Ahlul Hadith. Les groupes victorieux, ce sont Ahlul Hadith. Et comme on l'a vu, ce sont tous des synonymes pour les mêmes personnes, pour le même groupe. Comme je voulais dire un point aussi à ce sujet-là, c'est au sujet de certains parmi les gens de contemporains actuellement, qui ont essayé de faire une distinction entre ces deux derniers noms qu'on a mentionnés. Ils ont essayé de dire que Ta'ifatul Mansoura, Al-Firqatul Nadia, c'est un groupe, et Ta'ifatul Mansoura, c'est un autre groupe, et que ces deux groupes-là sont deux groupes différents. Et comme par exemple Salman al-Ouda, il avait écrit un livre qui s'appelait Al-Ghuraba, et il a divisé le groupe Al-Firqat al-Najiyah, il a divisé Al-Ta'ifat al-Mansura en deux groupes. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a critiqué Ahl al-Hadith, il nous a décrit par des descriptions vraiment mauvaises, et puis il a été, en divisant ces deux groupes-là, il a essayé en même temps d'essayer de faire la promotion de certaines organisations et certains groupes qui existent actuellement, comme par exemple Tablir, Ikhwan Muslimin et d'autres. Donc c'est comme s'il a essayé de faire cette division-là entre ces deux noms-là, pour essayer de dire par exemple que c'est pas les mêmes personnes, pas Ifat al-Mansoura, c'est peut-être les groupes qui font le djihad, et Firqat al-Najiyah, c'est peut-être un autre groupe. Et les ulama ont réfuté cette idée-là. Ils ont expliqué que non, Al-Firqat al-Najiyah, c'est Al-Ta'ifat al-Mansoura, et Al-Ta'ifat al-Mansoura, c'est aussi Al-Firqat al-Najiyah. Hein? Et parmi les ulama qui ont réfuté cette idée-là, il y a le Cheikh Rabi' dans son livre, dans lequel il a réfuté, il a répondu à Salman al-Awda dans son livre, Cheikh Rabi' al-Madkhali, et il a vraiment bien expliqué la situation, la position des salaf à ce sujet-là. Et il a ramené les paroles des ulama et des imams depuis le temps des salaf jusqu'à aujourd'hui pour dire qu'il n'y en a aucun jamais qui a, il n'y en a aucun qui ont fait cette distinction entre ces deux noms-là. Hein? Donc c'est une idée qu'ils ont ramenée aujourd'hui, là, qui est complètement en dehors de la traque, comme on dit. C'était juste pour vous tenir au courant de ça. Puis le sixième des appellations qu'il mentionne, le cheikh, c'est As-Salafiyya ou As-Salafiyyoun. Le cheikh, il dit Nisbatun lis-Salaf. Was-Salaf fil lugha jam'u salif. Was-Salif al-Mutaqaddim. Ou al-Mutaqaddam. Was-Salaf al-Jama'a al-Mutaqaddimoun minhu qawluhu azza wa jal wa ja'alnahum salafan wa mathalan lil-akhirin. في سورة الزخرف. وقال البغوي في تفسيرها: والسلف من تقدم من الآباء وجعلناهم متقدمين ليتعظ بهم الآخرون. وقال ابن كثير: سلف الإنسان من تقدمه بالموت من آبائه وذوي قرابته، ولهذا سمي الصدر الأول من التابعين السلف الصالح. و هذا في اللغة، أما في الاصطلاح فما المقصود بالسلف الصالح وما منهجهم في العقيدة وما أبرز صفات منهجهم، هذا سنعرفه إن شاء الله في الدروس التالية. donc le cheikh il explique et il dit que as-salafiyya ou as-salafiyyoun, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie d'appartenir au salaf, une appartenance au salaf. Et as-salaf dans la langue, c'est le pluriel de salif. Salif. Le singulier, c'est salif. Le pluriel, c'est salaf. Et salif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est celui qui est venu auparavant. Celui qui s'a précédé. Ok? Et, wassalaf al-jama'a al-mutaqaddimoun. C'est-à-dire, les salaf, c'est les gens qui t'ont précédé. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. Au sujet de Fir'aun. Au sujet de Fir'aun, c'est le verset 56 dans la sourate Az-Zukhruf. Et donc, quand on retourne au tafsir de l'imam al-Baghawi dans ce verset-là, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il explique l'imam al-Baghawi? Il dit que la définition du mot salaf, c'est tous ceux qui t'ont précédé parmi tes ancêtres. Hein, parmi tes ancêtres. Et dans ce verset-là, ça signifie que Allah SWT a fait de ces ancêtres-là, ou de ceux qui ont précédé, il a fait d'eux une sorte d'exemple, ou une sorte de, pas d'exemple, mais aussi d'une leçon. Il a fait de leur sort, qu'est-ce qui leur est arrivé, comme si c'est devenu une leçon pour ceux qui sont venus après. Donc Allah a fait d'eux une leçon pour ceux qui allaient les suivre. Et Ibn al-Athir, il dit que « Salaf al-insan les salafs d'une personne sont ceux qui l'ont précédé, qui sont morts avant lui, parmi ses ancêtres, parmi ses pères. Et Zawi Qarabatihi, ceux qui, ses proches aussi, ses prédécesseurs ou ses parents qui sont morts depuis très très longtemps. Et c'est pour cette raison-là qu'on appelle la première génération des tabi'in, on les appelle As-Salaf As-Salih. Il donne ça comme un exemple. Et le cheikh, il dit que ça, c'est la définition linguistique du mot salaf. C'est-à-dire ça, c'est la définition au plan linguistique. Mais en ce qui concerne la définition au plan de la terminologie islamique, quand on l'utilise au point de vue islamique ou dans la religion, qu'est-ce que ça signifie As-Salaf As-Salih, c'est quoi leur manhaj dans la croyance et dans les attributs d'Allah? C'est ce que nous allons savoir, Inch'Allah, dans les durus qui suivent. Et là, le cheikh, il commence le premier point, ou le premier dans les descriptions des qu'est-ce que ça signifie, qui sont les salafs et qu'est-ce qu'on veut dire par salaf. Donc le premier, le cheikh, il dit « al-maqsoud bis-salaf ». Qu'est-ce qu'on veut dire par salaf? Al-salaf. Donc le cheikh, il dit « taqaddama fina mada al-ta'arif al-lughawi bima'na al-salaf, amma ma'na al-maqsoud bis-salaf fil-istilah, faqad ikhtalifa ou ikhtalifa في ذلك على أقوال عدة أهمها أنهم الصحابة فقط أو الثاني أنهم الصحابة والتابعون والثالث أنهم الصحابة والتابعون وتابع التابعين والرابع أن السلف كانوا قبل 500 ويزعم أصحاب هذا القول أنه مذهب يحدد بفترة زمنية معينة لا يتعداها ثم إن الفكر الإسلامي تطور بعد ذلك على يد رجاله. Donc le cheikh il explique et il dit. Maintenant on a vu la description ou la signification linguistique. Maintenant on va comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par salaf dans la terminologie. Et il y a eu différentes compréhensions, différentes divergences au sujet de ce sujet-là. Et ça s'est divisé en différentes positions ou différentes opinions. La première opinion, c'est que As-Salaf, ce sont les Sahaba seulement. Ok? Une deuxième opinion, c'est que ce sont les Sahaba ainsi que les Tabi'un, c'est-à-dire les élèves des Sahaba. Le troisième, que ce sont les Sahaba et les Tabi'un et les élèves des Tabi'un. Hein? Et une autre opinion qui dit que les Salaf sont ceux qui vivaient avant les premières 500 ans, les 500 premières années. Et les gens qui ont cette position-là, ils croient que c'est une voie ou une position qui peut être limitée par une période historique et que ça ne dépasse pas cette période-là. Donc eux, ils disent que ça se limite aux 500 premières années et que par la suite, la pensée islamique a évolué à cause des savants ou des gens qui ont supporter cette idéologie ou cette voie-là. Puis le chef, il pose une question par la suite, il dit « فهل التحديد الزمني كاف لتحديد مفهوم السلف ?» Est-ce que le fait de dire que, est-ce qu'on peut se limiter à une délimitation historique ou temporelle pour décrire qu'est-ce que ça signifie les salafs, hein, est-ce qu'on doit, on peut dire que ça se limite à une période historique seulement, puis que ça dépasse pas cette compréhension-là? Le cheikh il dit, إِذْ قُلْنَا بِأَنَّ الْمُرَادِ بِالسَّلَفِ زَمَنِيًا هُمْ أَهْلُ الْقُرُونَ الثَّلَاثَ الْمُفَضَّلَةِ وَاسْتِئْنَاثًا بِالْأَحَادِيثِ الواردة في تعيين القرون المفضلة، فهل نعتبر كل من عاش في هذه القرون سلفا يقتدى به؟ لا شك أن ذلك غير صحيح، وأن الإجابة على هذا التساؤل هي النفي. النفي. فقد خرجت كثير من الفرق والطوائف في هذه الفترة الزمنية. يقول الشيخ الزي: si on disait que les salaf c'était uniquement une période historique dans le temps, et que les salafs sont seulement les trois premiers siècles, les trois premiers siècles préférés comme ça a été exprimé par, dans certains, parmi les hadiths, Donc, est-ce que ça veut dire qu'on considérerait toute personne qui vivait dans les trois premiers siècles comme étant un salaf auquel on peut se baser, comme étant un salaf sur lequel on peut se référer ou sur lequel on peut se baser pour dire toutes les personnes qui ont vécu dans ces trois premiers siècles-là, on peut le prendre comme un exemple à suivre, hein? Et le chef dit, il n'y a pas de doute que ça, c'est pas correct cette idée-là, parce que le chef il dit que il y a beaucoup de groupes et de sectes qui sont apparus durant ces trois premiers siècles-là. Donc, c'est pas possible que tu limites la compréhension des salafs uniquement par une compréhension historique et temporelle. Et le cheikh il dit فليس السبق الزمني كافيا في تعيين السلف بل لا بد ان يضاف الى هذا السبق الزمني موافقه الراي للكتاب والسنه فمن خالف رايه الكتاب والسنه فليس بسلفي وان عاش بين ظهراني الصحابه والتابعين. Donc, le cheikh, il dit que même si, c'est pas suffisant pour déterminer ou pour expliquer qui sont les salafs, de se limiter uniquement à une description temporelle ou historique. Il faut absolument rajouter à le fait d'avoir cette précédence historique-là, ou d'être parmi les trois premiers siècles, il faut rajouter à ça un point qui est que leur position doit être en accord avec le Coran et la Sunna. Donc si parmi ces gens-là qui ont vécu dans les trois premiers siècles, s'il y en a quelqu'un parmi eux qui a eu une position qui est en désaccord ou en opposition avec le Coran et la Sunna, alors il n'est pas un salafi, même s'il vivait en plein milieu des Sahaba. D'accord ? Donc c'est pas suffisant de dire qu'il a vécu à l'époque des salafs, mais il faut que sa position soit en accord avec le Coran et la Sunna pour dire que cette personne est un salafi. Donc le cheikh il dit فَإِذَا وُجِدَ فَوُجُودُ شَخْصٍ مَا فِي هَذَا الزَّمَنِ لَا يَكْفِي لِلْحُكْمِ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عَلَى مَذْهَبِ السَّلَفِ مَا لَمْ يَكُنْ مُوَافِقًا لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ مُتَّبِعًا لَا مُبْتَدِعًا لذلك فإن كثيرا من العلماء يقيد هذا المصطلح عند استعماله فيقول السلف الصالح. Donc il dit que on a trouvé que on dit que le fait qu'une personne se trouve à cette période historique là, c'est pas suffisant pour dire que cette personne là est sur la voie des salaf, tant que cette personne là n'a pas été en accord avec le Coran et la Sunna dans ses paroles et ses actions, et qu'elle ne les a pas suivies, et qu'elle n'a pas fait d'innovation. Elle n'est pas venue avec des innovations. Et c'est pour ça qu'on trouve plusieurs parmi les ulama qui viennent restreindre ou limiter cette terminologie-là, en parlant des salafs, et ils le limitent en disant « as-salaf as-salih ». Donc quand il dit « as-salih », ça veut dire « c'est pas n'importe quel salaf ». C'est uniquement le salaf qui est salih, c'est-à-dire qui a été en accord avec Al-Kitab ou Sunna, hein, et qui n'est pas venu avec aucune bid'a. D'accord? Et le cheikh il dit, قال الإمام التفاريني المراد بمذهب السلف ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله عليهم وأعيان التابعين لهم بإحسان وأتباعهم وأئمة الدين ممن شهد له بالإمامة وعرف وعظم شأنه في الدين وتلقى الناس كلامهم خلفا عن سلف دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرض مثل الخوارج والروافض والقدرية والمرجئة والجبرية والجهمية والمعتزلة والكرامية ونحوها هؤلاء. Donc le chef Al-Safarini, l'imam Al-Safarini, il explique et il dit que qu'est-ce qu'on veut dire par la voie des salaf, c'est ce que suivaient les sahaba, hein, Ridwan Allah alayhim, c'est-à-dire, et certains individus parmi les tabi'in qui les ont suivis en bien. Et ceux qui les ont suivis également parmi les imams de cette religion et auxquels on a témoigné de leur niveau comme étant des imams dans la religion et qui ont été connus comme étant des, parmi les plus grands dans cette religion. Comme par exemple les quatre imams, les madahib et les autres parmi les autres a'immas, l'imam al-Bukhari, Muslim, Abu Daoud, النسائي الترمذي ابن ماجه اسحاق بن راهويه عبد الله بن المبارك مالك وكل الزوات يعني كي اون فيكو في هذيك الفتره ابن تيميه وكل الزوات كي سون ايتي كونو با دي سيت ايبوك لا كل سيلا سون دي سالا اي جست جست بور تيرميني لا لا فاز لو شيخ يل دي اي كي لي جان اون اكسبتي لور بارول اي كي لي اون ترانسمي دو de génération en génération, hein, sans qu'aucun d'entre eux n'ait été accusé d'avoir commis une bid'a ou sans avoir été connu par une appellation ou laqab. Laqab, c'est c'est comme une sorte de comme une étiquette, hein, tu décris par cette étiquette. Comme par exemple, tu vas dire As-Salafi. Hein? Si je dis par exemple Isa Al-Ahmari, As-Salafi. Al-Ahmari aussi, c'est un laqab. C'est pour ça que le chef il dit, il ne faut pas qu'il ait reçu un laqab autre que par une maladie. Par exemple, il y en a parmi les salaf, ils avaient un surnom, un laqab, à cause d'une maladie qu'ils avaient. Par exemple, Al-A'mash, ou Al-Ahwal, ou d'autres sortes de surnoms. Ouais, pour dire par exemple, celui qui était, on va dire, il avait une infirmité, ou il avait un problème, ou une maladie, les gens l'ont connu par ce nom-là pour le distinguer des autres qui avaient le même nom que lui. Non. Non, pas Abu Huraira. Parce que ça, c'est sa cunia. Abu Huraira, c'est sa cunia parce qu'il portait toujours un petit chat. Ouais. Mais la femme, c'est autre chose que cunia. Ouais, ouais. Ouais. Ouais, Huraira. Ouais. Parce que Hir, c'est un chat. Et Huraira, c'est un chaton. Donc, et lui, il avait toujours un chaton. Donc, à cause de ça, on l'a appelé, on l'a baptisé Abu Huraira. Son vrai nom, Abu Huraira, c'est pas Abdurrahman. Je pense que c'est Abdurrahman, Abu Huraira. Mais aussi, il y avait Ali ibn Abi Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait surnommé Abu Turab, le père de la poussière, de la terre, parce qu'il était toujours plein de poussière. Toujours, il était toujours dans la poussière, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a surnommé Abu Turab. Mais c'est ça des exemples. Ça, c'est la kunya, mais le laqab, c'est autre chose. On va dire quelqu'un est. Oui, kunya. Kunya? Kunya, ça veut dire. Non, créole. Kunya. Mais c'est pas kunya, c'est kunya. Kunya. Ah oui, c'est la même chose. Ben, c'est ça, laqab. Laqab, c'est comme à la amash. Alors, Amash, par exemple, je ne sais pas ce que ça signifie. Mais ça pouvait être péjoratif. Même, il y en a des ulama, ils ont dit, est-ce que c'est pas, ça rentre, il y en a qui disaient, oui, il y en a qui disaient, ça rentre dans le rêve, ou ça rentre dans le parler dans le dos de quelqu'un. Sauf que, ils ont dit, sauf si c'est un nom qui a été, quelqu'un a été connu par ce nom-là, donc dans ce cas-là, c'est correct. Mais si c'est juste pour critiquer la personne ou pour lui donner un mauvais surnom, parce que là c'est mauvais. Ouais, c'est ça. Exactement. Ouais. C'est celui qui. Ouais. Mais s'il est connu par ce nom-là, tout le monde sait c'est qui. Comme les ulama de hadith, ils utilisaient ces mots-là. Mais c'est pas dans le but de ridiculiser, de donner un. D'écrire la personne avec des mauvaises. De mauvaises paroles, dans ce cas-là c'était acceptable. Mais, rien à nous. Comme Mohamed. Ouais, mais ça c'est pas péjoratif, c'est pas négatif nécessairement quand tu dis de quel endroit la personne vient, ça c'est juste pour la distinguer puis la situer d'où elle vient. Elle a ici, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est comme quand le Cheikh Al-Albani, Alhamdulillah Khairuddin, Al-Albani, parce qu'il vient de l'Albanie. C'est un exemple. Subhanallah, naam. Aujourd'hui, j'écoutais justement une de ces cassettes là, machallah. En tout cas, qu'est-ce qu'on disait? Ah oui. Donc, il n'a pas été connu par un surnom, un nom, par un surnom ou une étiquette, sauf pour une maladie. Autre que la maladie, c'est-à-dire, il n'a pas été connu par une étiquette ou un surnom autre que la maladie, comme par exemple les noms des gens de Bid'a, comme la secte de Khawarij. Comme par exemple, il y en a qui, parmi certains gens de Bid'a, les ulama quand ils disaient leur nom, ils disaient par exemple Al-Khariji, ou Al-Raqidi, ou Al-Qadari, ou Al-Murji, ou Al-Jabri, ou Al-Jahmi, ou Al-Mu'tadili, ou Al-Karami. Donc ça c'est des noms des gens de Bid'a, et ils leur donnaient ce nom-là pour dire, ça c'est un Mubtadi', il est de tel Bid'a, il suit tel Bid'a, ou il appelle à tel Bid'a. Donc on le surnommait par ce nom-là. Et donc parmi les salafs qu'on suit, aucun d'entre eux n'a été appelé par ces noms des gens de Bid'a. Exactement. Exactement. Et dans ce cas-là, si tu avertis une personne contre un mubtadi', ça rentre dans les six catégories de personnes qu'il est permis de parler dans leur dos, si tu veux. Et l'imam Nawawi, si vous retournez à son livre Riyad al-Salihin, tout le monde connaît Riyad al-Salihin en général. Hein? Et dans son livre Riyad al-Salihin, il y a un chapitre qui s'appelle Bayan ma yubah min al-ghiba. Qu'est-ce qui est permis de qui il est permis de parler dans son dos. Le cheikh dit "I'lam an al-ghiba tubah li gharad sahih shar'i la yumkin al-wusul ilayhi illa biha wa huwa sittat asbab." Il y a sachez que parler dans le dos de quelqu'un est permis dans un but correct et légal islamiquement, et ce sont six causes. La première cause, at-tazallum. C'est-à-dire, par exemple, tu t'en vas voir un dirigeant ou le juge, et tu dis, une telle personne m'a fait une injustice. Il m'a, par exemple, cassé ma vitre, ou il a volé ma voiture, ou il a fait quelque chose. At-tazallum. C'est-à-dire, tu décris au juge, qu'est-ce que la personne t'a fait pour que tu retrouves ton droit. Tu es obligé de dire au juge ce que la personne t'a fait de mal. D'accord, même si la personne est absente. Donc, dans ce cas-là, c'est permis de parler dans son dos. Deuxième, al-isti'ana ala taghyir al-munkar wa radd al-ma'asi ila al-sawab wa radd al-'asi ila al-sawab fa yaqulu liman yarju qudratuhu ala izalati al-munkar fulan ya'malu kadha fa فازجره عنه ونحو ذلك يكون مقصوده التوصل الى ازاله المنكر. Donc tu vois une personne par exemple et tu demandes l'aide pour changer quelque chose de mal que quelqu'un est en train de faire. Donc toi tu n'es pas capable par exemple de le changer par toi-même, donc tu t'en vas voir une personne qui est capable d'enlever ce mal ou de faire arrêter quelqu'un de faire ce mal-là ou ce péché-là. Donc tu vas voir cette personne qui a l'autorité par exemple et tu lui dis, cette personne-là est en train de casser quelque chose ou de faire telle chose, alors va l'arrêter ou va l'interdire de faire une chose de ce genre. Ça c'est permis. Et le cheikh dit, wa in lam yaqsud dhalika kana haraman yakunu maqsuduhu. Donc il faut que ton intention soit d'arrêter ce mal et de l'enlever, d'enlever ce péché-là. Mais si ton intention c'est pas d'enlever le péché, c'est haram dans ce cas-là. Le troisième, al-istifta, c'est-à-dire, tout le monde dit, voilà mani abi, ou afi, ou zaouji, Donc tu veux demander à un savant de l'islam une fatwa. Donc tu dis un tel m'a fait telle chose ou telle chose. Donc dans ce cas-là, tu demandes le but c'est de demander la fatwa. Et le cheikh il dit qu'il y a un tel m'a وما طريقي في الخلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونحو ذلك فهذا جائز للحاجة c'est permis dans selon le besoin selon la nécessité ولكن الأحوط والأفضل أن يقول ما تقول في رجل أو شخص أو زوج وكذا وكذا donc le chef il dit c'est permis selon la nécessité sauf que le mieux dans ce cas-là, c'est de dire au mufti, au alim, la personne à qui tu demandes la fatwa, oui, qu'est-ce que tu dis d'une personne, sans nommer la personne, mais de dire qu'est-ce que tu dis d'une personne qui a fait telle chose, sans mentionner son nom. Le cheikh il dit ça, c'est mieux de faire ça dans ce cas-là. Le cheikh il dit par la suite, فَإِنَّهُ يَحْصُلُ بِهِ الْغَرَضُ مِنْ غَيْرِ تَعْيِينٍ مَعَ ذَلِكَ فَالتَّعْيِينُ جَائِزٌ كَمَا سنذكره في حديث هند إن شاء الله. mais c'est permis quand même de mentionner la personne si c'est nécessaire. comme on va mentionner dans le hadith de Hind. et le hadith de Hind c'est quoi? c'est le hadith que Hind est allé voir le prophète صلى الله عليه وسلم et elle a dit mon mari il me donne pas à moi et à mon enfant ce qui est suffisant pour que je puisse vivre d'argent. donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit prends de ton mari ce que tu as besoin et il n'y a pas de problème, c'est pas un péché que tu prennes de l'argent de ton mari pour pouvoir manger, pour pouvoir prendre ce que tu as vivre, pour pouvoir faire ce que tu as besoin avec cet argent là. La cause numéro 4 c'est تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم وذلك من وجوه. Donc, d'avertir les musulmans de quelque chose de mal et de leur donner une nasiha, de leur donner un bon conseil, et ça c'est dans différents points de vue, ou dans différents cas, d'accord? Les musulmans, et ils donnent plusieurs cas de cet avertissement-là. Ils disent « Minha, jarhu al-majruhina min al-ruwati wa al-shuhud » وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. Le cheikh il dit par exemple de critiquer les narrateurs et les témoins qui ne sont pas des bons témoins ou des bons narrateurs de hadith. Et ça c'est permis selon le consensus des savants parmi les musulmans, même que c'est obligatoire selon la nécessité. Ça rentre dans l'obligation de faire ça. Donc, par exemple, dans le temps des ulama de hadith, s'il y avait un narrateur qui avait une mauvaise mémoire ou qui mélangeait les hadiths ou qui avait une bid'a ou des choses comme ça, alors c'était obligatoire pour eux de faire le jarh, c'est-à-dire de dire telle personne il est faible ou il n'a pas une bonne mémoire ou il mélange ou il a une bid'a pour que les gens acceptent pas ces hadiths parce que ça allait amener les gens à tomber dans le mensonge sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, il donne un autre exemple aussi, c'est les témoins. Okay? Si par exemple, on va dire, quelqu'un va à la cour pour témoigner au sujet de quelque chose, d'un crime, et que toi tu sais par exemple que ce témoin-là, c'est pas un bon témoin. Tu sais qu'il a, il, par exemple, il prie pas, ou qu'il boit de l'alcool, ou que c'est un menteur. Hein, il est connu comme étant une personne qui ment. Donc, toi, tu vas aller et tu vas avertir les gens que cette personne-là, il ment, ou qu'il trompe les gens. Alors, il ne faut pas accepter son témoignage. Ça, c'est un exemple dans lequel ça devient obligatoire. Minha, al-mushawara, fi musahara, musahara fi insan, ou musharaka tivi, ou ida'ihi, ou mu'amala tivi, ou ghayri zalika. أو مجاورته ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة. Donc par exemple, une personne il veut entrer dans un commerce ou un business avec toi, ou il veut venir habiter avec toi ou à côté de toi, des choses de ce genre dans les transactions que les gens peuvent faire entre eux. Et là, il vient te demander, quelqu'un vient te demander, toi, bon, la personne veut faire ça avec toi. Et là, toi, tu veux savoir l'état de cette personne, comment elle est. Est-ce que c'est un bon musulman? Est-ce que c'est une personne qui est fiable? Est-ce que c'est une personne honnête? Donc, dans ce cas-là, c'est permis à la personne de te dire la réalité, qu'est-ce qu'elle fait sur cette personne-là, des mauvaises choses qu'elle a. Dans le but que toi, tu sois prévenu, pour pas que tu, par la suite, tu sois trompé, et que tu tombes dans des problèmes avec cette personne-là par la suite. Hein? Et ça, ça rentre pas dans Al-Rayba. Donc, quelqu'un, par exemple, te dit, écoute, lui, il m'a demandé pour faire un business avec lui. Est-ce que tu me conseilles de lui donner de mon argent pour investir dans quelque chose? Ou est-ce que tu me conseilles de prendre un appartement avec lui? Ou est-ce que tu me conseilles de, par exemple, d'acheter quelque chose de lui? Et là, la personne, si elle n'est pas à l'aise, il va te dire non, achète pas de lui et fais pas de business avec lui parce que c'est un voleur, c'est un menteur, il a trompé les gens, il a fait telle chose ou telle chose. Dans ce cas-là, ça devient obligatoire de clarifier cet état-là. Et le chef, il dit, ومنها إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة وهذا مما يغلط فيه وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد ويلبس الشيطان عليه ذلك ويخيل إليه أنه نصيحة فليتفطن لذلك. Le chef il dit, si tu vois une personne qui veut étudier la religion, qui veut apprendre, et qui commence à aller vers un innovateur, un mubtadi', dans ce cas-là, ou bien une personne qui est perverse, qui est pas correcte, alors tu le vois aller apprendre la religion chez cette personne, et tu crains que cette personne-là soit déviée par cet innovateur, alors c'est important et c'est nécessaire pour toi de lui donner un conseil et de clarifier sa situation et son état dans le but de donner le bon conseil. Et il dit que parfois, il y a certaines personnes qui se laissent avoir par la jalousie et ils croient qu'ils donnent une nasiha et le diable le trompe et en réalité, ils pensent qu'ils donnent une nasiha alors qu'en réalité, c'est pour une sorte de jalousie qu'il critique les gens. Et donc, dans ce cas-là, il faut faire attention à la sincérité dans nos intentions quand on donne une nasiha. Après, le chef dit, ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها إما بأن يكون أن لا يكون صالحا لها وإما بأن يكون فاسقا عليكم السلام ورحمة الله أو مغفلا ونحو ذلك فيجب ذكر ذلك لمن عليه ولاية عامة يزيل ويولي من يصلح أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله. Par exemple, il y a un poste, quelqu'un veut mettre une personne à un certain poste ou un certain statut de responsabilité. Alors, c'est important ou c'est nécessaire d'avertir les gens de l'état de cette personne qu'on veut mettre à ce poste de responsabilité. Si on sait que cette personne-là a des problèmes qui font qu'il ne serait pas bon pour cette position-là, il c'est important de donner le bon conseil dans le but que cette personne, que ce soit pas une mauvaise personne qui occupe un poste de responsabilité. Hein? Donc, je vais faire un autre exemple. Al-Khamis, أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالمجاهر بشرب الخمر ومصادرة الناس وأخذ المكس وجباية الأموال ظلما وتولي الأمور الباطلة فيجوز ذكره بما يجاهر به ويحرم ذكره بغيره من العيوب إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكره Donc, le cheikh il dit par exemple, si quelqu'un fait des péchés ouvertement, comme si quelqu'un est connu comme étant une personne qui boit de l'alcool, ou qui fait des péchés, comme si devant les gens, mais qui n'a pas peur que les gens sachent qu'il fait un péché. Hein? Ou quelqu'un par exemple qui fait une bid'a et qui appelle les gens à une bid'a ouvertement, cette personne-là, c'est obligatoire d'avertir les musulmans contre lui. Et dans ce cas-là, c'est pas nécessaire nécessairement de lui, parce que des fois c'est arrivé que une personne a écrit un texte dans un journal ou dans un magazine ou dans un journal ou a fait une khutbah ou a parlé à la télévision et qu'il a dit des fausses sur l'islam. Alors il y a des savants de l'islam ou il y a des tulab ilm qui les ont récités. Alors, par la suite, eux, ils sont arrivés comme s'ils étaient des victimes, et ils commencent à dire « Ah, un tel m'a réfuté en public, il a publié une réfutation sur moi, et il fait ça, et ça c'est mauvais, pourquoi il n'est pas venu me voir en personne avant de publier sa réfutation, etc. etc. » Dans ce cas-là, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire pour que le alim le réfute, qu'il vienne le voir en personne et qu'il lui parle en privé avant de le réfuter, parce que son erreur ou sa parole qu'il a dit a été dite en public. Elle a été faite publiquement. Donc, étant donné que l'erreur a été faite publiquement, c'est la correction aussi a le droit d'être faite publiquement de la même façon. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été trompés par ces erreurs-là. Sauf que si la personne a une idée personnelle qu'il garde pour lui et que toi tu sais que la personne a cette idée-là, c'est pas bien qu'elle la dévoile à tout le monde sans aller voir la personne pour lui donner la nasiha en personne. Sauf que si tu sais que la personne l'exprime publiquement, par exemple dans ce cas-là c'est bon et c'est obligatoire de le faire pour le bien des musulmans. Et la sixième, c'est exactement le cas qu'on a mentionné tout à l'heure, c'est التعريف. فإذا كان الإنسان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأقم والأعمى والأحول وغيرهم فجاز تعريفهم بذلك ويحرم إطلاقه على جهة التنقص ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. Donc, le chef, il dit, si quelqu'un est connu comme par exemple, par les noms comme l'aveugle, le boiteux, le celui qui louche, ou des choses de ce genre. Donc, s'il est connu par ces noms-là, il n'y a pas de problème de l'appeler par ce nom-là, excepté si tu le dis dans le but de rabaisser la personne. Dans ce cas-là, c'est pas permis. Hein? Et si c'est possible de le faire, de parler de lui, par un nom, ce nom, et par lequel il est aussi connu, donc, si tu le dis dans le but de rabaisser quelqu'un, ça rentre dans la moquerie, c'est-à-dire de se moquer de quelqu'un. Et ça, c'est un grand péché, il n'y a pas de doute. Ouais, si lui, il n'aime pas, il ne faut pas l'appeler par ce nom-là. Il ne faut pas l'appeler par le nom qu'il n'aime pas. Et le chef, il mentionne plusieurs hadiths pour prouver tout ce qu'il vient de mentionner. Par exemple, le hadith qui dit, an Aisha radiallahu anha, أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائذنوا له بئس أخو العشيرة متفق عليه. احتج به البخاري في جواز الغيبة غيبة أهل الفساد وأهل الريب. Il y a une personne qui est venue et a demandé la permission pour rentrer voir le prophète صلى الله عليه وسلم. Et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit laissez-le rentrer. Alors il est rentré et quand il est venu, il a parlé avec lui, puis quand la personne est partie, il a dit akhul ashira. Yani il a critiqué, yani quelle mauvaise parenté ou quelque chose de ce genre. Yani. Donc Aïcha a dit subhanallah, ya Rasulullah, pourquoi quand la personne est venue, t'as pas dit rien de mal, puis quand la personne est ici, t'as dit cette chose-là. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les pires personnes sont celles que tu es obligé d'agir avec elles d'une bonne façon dans le but d'éviter leur mal, d'éviter son, ces mauvaises qualités. Parce qu'il y a des gens, ce sont peut-être tes proches, des choses de ces gens, mais ils ont des mauvais comportements, mauvaises qualités, et tu agis avec eux par diplomatie, par d'une façon pour éviter leur mal. Hein. Et puis, par contre, ça ne veut pas dire que tu es d'accord avec le péché ou les choses qu'ils font de mal. D'accord? Donc, si tu n'es pas capable d'expliquer, de faire savoir ta position sur le fait, mais quand même, tu es capable de le faire par la suite, comme le prophète Rasulallah l'a fait dans ce hadith, pour faire savoir qu'il n'est pas satisfait de cette personne. D'accord? Après, il a dit, وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَظُنُّ فُلَانًا وَفُلَانًا يَعْرِفَانِ مِنْ دِينِنَا شَيْئًا. Dans un autre hadith, il a dit, je ne crois pas qu'un tel ou un tel ne connaisse rien de notre religion. Il dit, d'après moi, ils ne connaissent rien de notre religion. Ça, c'est une autre narration. رواه البخاري. وقال الليث بن سعد أحد رواة هذا الحديث هذان رجلان كانا من المنافقين. Il a dit, ces deux-là faisaient partie des منافقين. Faisaient partie des hypocrites. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا الجهم ومعاوية خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوكم لا مال له وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه متفق عليه وفي رواية أما أبو الجهم فضراب للنساء وهو تفسير لرواية لا يضع العصا عن عاتقه ومعناه كثير الأسفار وقيل معناه كثير الأسفار. Non, dans ça c'est un autre hadith selon Fatima bin Qays qui dit que deux hommes sont venus la demander en mariage. Un c'était Muawiya et l'autre c'était Abu Jahl. Donc elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam son conseil à sujet de ces deux hommes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Muawiya est pauvre, il n'a pas d'argent. Et Abu Jahl, alors il ne laisse jamais son bâton sur son épaule. Et dans un autre hadith, il frappe beaucoup il a l'habitude de frapper ses femmes. Ok? Donc, elle lui a donné le conseil d'épouser un de ces deux hommes-là. Et, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, marie-toi avec Oussama. Un autre hadith s'appelait Oussama. Et elle a dit, mais, j'aime pas Oussama, ou bien je suis pas attiré par Oussama. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a insisté, épouse Oussama. Et elle a épousé Oussama et Allah a donné beaucoup de bénédictions dans leur mariage. Donc, c'est pour dire que dans ce cas-là, c'est permis de dire la vérité sur une personne dans le but de donner le conseil à la femme. Tu vois? Il n'a pas mentionné les qualités de Abu Jahm. Il n'a pas mentionné les qualités de Muawiya parce que leurs qualités sont connues. Il n'a fait que mentionner les points qui pourraient lui faire savoir la réalité de ces deux personnes-là, dans le but qu'elles puissent faire un choix plus éclairé. Non. Donc ça c'est un exemple aussi. Puis là il mentionne d'autres exemples. Il mentionne d'autres hadiths aussi, comme le hadith de Abu Sufyan au sujet de sa femme Hind, qu'on a mentionné tout à l'heure. Okay. Donc ça c'est quelques exemples qu'il a mentionnés, puis il y en a beaucoup d'autres aussi, des hadiths qui mentionnent comme étant des preuves pour ces règles-là qu'on a expliquées. Donc tout ça c'est juste pour faire comprendre surtout le point numéro 6, c'est-à-dire au sujet des al-qab, hein. Et là ça vous a donné ça va être supplémentaire, des points supplémentaires, hein, qui nous on comprend une chose qui est assez importante aussi, alhamdulillah. Donc, c'est-à-dire que les salafs, comme on revient à la citation de l'imam As-Safarini, les salafs, c'est ceux qui n'ont pas été appelés par aucun laqab parmi les alqab des gens de Bid'ah. Le cheikh, il dit par la suite, فَقَدْ اِحْتَرَزَ هَذَا الْإِمَامِ فَقِيدُ السَّلَفِ الَّذِي يُقْتَدَى بِهِ بأن يكون ممن شهد له بالإمامة ولم يرمى ببدعة فليس كل سلف يقتدى به وإنما تكون القدوة والأسوة لأولئك السلف الأخيار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة التابعين وتابعيهم الذين شهد لهم بالخيرية والذين عرف تمسكهم بالسنة والإمامة فيها واجتناب البدعة والتحذير منها وقد أمرنا الله باتباع سبيل أصحابه أو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتفاء أثرهم وسلوك منهجهم فقال عز وجل واتبع سبيل من أناب إليه. Donc le cheikh il donne un commentaire sur la citation de l'imam Safarini et il dit que cet imam nous a spécifié dans cette citation que le bon exemple dans les salaf c'est uniquement parmi les meilleurs des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce ne sont pas tous les salaf qui peuvent être pris comme un qudwa ou comme un exemple à suivre. Mais uniquement ceux parmi les sahabas qui étaient parmi les meilleurs et qui ont été les guides parmi les tabi'in, les a'imma. Parce qu'un imam, ça veut dire un guide. Hein? Et ceux qui les ont suivis par le bien et qu'on a témoigné de leur précédence. On a témoigné qu'ils étaient parmi les meilleurs. Ça veut dire la umma a témoigné et ont tous été d'accord pour dire ceux-là, oui, sont parmi les meilleurs. Et ceux qui ont été connus comme étant ceux qui s'accrochaient le plus fermement à la sunna et qui s'éloignaient des bid'as et qui avertissaient les musulmans contre ces bid'as-là. Et Allah nous a ordonné dans le Coran de suivre ses compagnons en disant « وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيْهِ » et suivez la voix de ceux ou de celui qui s'est repenti à moi, qui est revenu vers moi repentant. Et l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawzi a dit كُلُّم مِنَ الصَّحَابَ مُنِيبٌ إِلَى اللَّهِ فَيَجِبُ اتِّبَاعُ سَبِيلِهِ وَأَقْوَالِهِ وَاِعْتِقَادَاتِهِ مَنْ أَكْبَرَ سَبِيلَهِ. Donc l'imam Ibn al-Qayyim il dit que chacun des sahaba est un repentant à Allah, il est un repentant vers Allah. Donc c'est obligatoire de suivre sa voix et ses paroles et ses croyances. Donc ça c'est la citation de l'imam Ibn al-Qayyim. Il dit وَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَمَّنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانِ. Et Allah il les a agréés ceux qui les suivent dans le bien. Hein, ou d'une bonne façon. Et ça, c'est dit dans le verset dans le Coran qui dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا. نعم. Donc, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. C'est là, je pense que c'est important de le connaître. Il dit ceux qui ont précédé, les tout premiers parmi les muhajirin, les ansar, hein, qui ont cru, parmi les premiers qui ont cru en l'islam, et ceux qui les ont suivis dans le bien, d'une bonne manière, avec ihsan. Avec ihsan. Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les rivières ou les ruisseaux. Ils y resteront éternellement. Et ça, c'est la grande réussite ou le grand succès. Hein? Donc le chef dit فَلَيْسَ مِنَ الْإِتِّبَاعِ فِي شَيْءٍ أَنْ يَتَسَمَّى أَهْلُ السُّنَّةِ بِالسَّلَفِيِّينَ بَلْ إن مصطلح السلف يساوي تماما مصطلح أهل السنة والجماعة ويدرك ذلك بتأمل اجتماع كل من المصطلحين في حق الصحابة فهم السلف وهم أهل السنة والجماعة. Donc, le cheikh il dit, ça ne fait pas partie des innovations de s'appeler ou de dire que Ahl Sunna s'appelle As-Salafiyoun ou As-Salafiyoun. En fait, c'est une terminologie qui est équivalente, totalement équivalente à la terminologie de Ahl Sunna wal Jama'a. Et il est facile il est très facile de confirmer ça ou de montrer ça juste en méditant lorsqu'on compare les deux terminologies une avec l'autre. On voit clairement que les deux se réfèrent aux Sahaba et ce sont eux en fait qui sont les Salaf, les prédécesseurs. Et ce sont eux qui sont en fait Ahl Sunnah wal Jama'a. كما يصح لنا القول سني نسبة إلى أهل السنة يصح لنا القول سلفي نسبة إلى السلف لا فرق إذن فإنه بعد وجود الفرق وحصول الافتراق أصبح مدلول السلف منطبقا على من حافظ على سلامة العقيدة والمنهج طبقا لفهم الصحابة والقرون المفضلة ويكون هذا المصطلح السلف مرادفا للأسماء الشرعية الأخرى لأهل السنة كما تقدم. Donc l'imam il dit ici que de la même façon que c'est permis de dire sunni quand on se réfère aux gens de la sunna, Ahl Sunna, et bien de la même façon c'est permis de dire salafi lorsqu'on se réfère aux salaf. Il n'y a aucune différence. Et ça il dit c'est que parce que ça, c'est arrivé après que les sectes sont apparues, les divisions sont apparues. Ok? Quand on était, si on vivait aujourd'hui au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on n'aurait pas à dire ou on n'aurait pas à utiliser aucun autre nom excepté de dire qu'on est musulman. Pourquoi? Parce que on est avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il y a tout le monde qui sont des croyants et des musulmans. Et il n'y a pas personne qui arrive avec une secte ou une idée contradictoire ou une innovation. Et s'il y a quelqu'un qui arrive avec quelque chose de nouveau ou une innovation, on a juste à retourner voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et à lui demander, Ya Rasulallah, qu'est-ce que tu dis de telle chose ou qu'est-ce que tu peux nous expliquer à ce sujet? Et il va clarifier tout de suite la chose et donc la révélation va être descendue sur lui et tout va être clair. D'accord? Sauf qu'après la période, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens qui sont arrivés avec des nouvelles choses et des innovations dans la religion, les sahaba ont pris des positions vis-à-vis ceux-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a eu une distinction parmi les musulmans. Il y a eu une division entre les musulmans. Et c'est à partir de ce moment-là que sont apparus les termes de Ahl Sunnah wal Jama'a pour distinguer ceux qui sont arrivés avec des affaires nouvelles et ceux qui sont restés sur la fermeté et sur la Sunnah. Maintenant, après le temps des Sahaba, il y a eu les Tabi'in et au temps des Tabi'in, des gens sont arrivés avec des nouvelles bid'ah. Alors encore là, ils ont affirmé la position de Ahl Sunnah wal Jama'a et ils sont venus avec d'autres termes aussi pour les distinguer des autres gens de bid'ah. Comme par exemple Ahl al-Hadith et Ahl al-Athar, ceux qui sont venus avec des bid'ah au sujet des asma en sifat, des noms et des attributs d'Allah et tout ça. Donc des gens sont arrivés avec ces bid'ah-là, les salafs ont respecté ces gens-là. Et nous, c'est ça qu'on fait, on retourne, on regarde comment les salafs ont réagi à ces innovations-là et on regarde leur position et c'est celle-là qu'on adopte. Hein. Donc, c'est pas une innovation de se distinguer de ces gens-là, de ces gens d'innovation-là. Hein? En fait, c'est une nécessité, c'est une obligation de le faire. Sinon, la vérité et le mensonge deviennent tellement mélangés, tellement confus, qu'on ne peut plus savoir maintenant quel est le droit chemin, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et on suit, si on suit l'idée de certains musulmans aujourd'hui qui parlent d'une façon un peu nostalgique ou sentimentale, et qui disent on doit tous être des musulmans et on ne doit pas utiliser aucun autre terme comme salafi ou sunni, mais on doit tous dire musulmans. Alors, subhanallah, eux, ces gens-là, c'est des gens d'après moi qui vivent dans leur rêve ou qui ne sont pas conscients de la réalité. de la Umma. Oui, ils rejettent les saints, mais c'est une chose qui est réelle. On ne peut pas la rejeter parce que c'est la réalité. La Umma est divisée. Et la division est interdite dans l'islam. Allah SWT dit dans le Coran, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hein? Donc ça c'est un ordre de se rassembler, de s'unir, de s'accrocher au Coran et à la Sunna, et c'est une interdiction de se diviser. Donc celui qui vient se diviser, qui est venu diviser la Ummah, c'est qui? Est-ce que c'est les Sahaba? Est-ce que c'est les Salaf? Non, c'est les gens de Bid'a. Ouais, parce qu'ils sont venus après avec des innovations, et ils ont commencé à appeler les musulmans à suivre ces innovations-là, alors que les gens étaient unis. Donc c'est qui est venu avec la division? C'est eux, c'est pas les gens de la Sunna. Donc, maintenant, s'ils veulent que la Ummah soit unie, et qu'il n'y ait plus de division dans la Ummah, il faut que les gens... Il faut qu'on détermine le terrain, un terrain d'entente. Ok? On délimite un terrain d'entente, c'est-à-dire quoi? Al-Kitab ou Sunna. C'est la compréhension des salafs. Donc, si on dit, si vous êtes d'accord de prendre de cette base-là, alhamdulillah, on peut s'unir. Mais si vous n'êtes pas d'accord de prendre de cette base-là, et que vous voulez, par exemple, mettre d'autres choses en ligne de compte, ou considérer d'autres fondements, d'autres bases pour prendre votre religion, comme par exemple la raison, et de la mettre au-dessus, ou de prendre vos rêves, ou qu'est-ce que vous avez atteint de certains états. Ouais, par exemple, j'ai eu un rêve, et j'ai vu telle personne dans mon rêve qui m'a raconté telle chose sur l'islam, et donc je vais suivre ça. Ou j'ai... Non, il y a des gens comme ça. Paul et les soufis, ils font ça, non. Yani, qu'est-ce que c'est? Tu veux dire les khawarij? Ouais, mais les khawarij sont des gens de bid'a. Parce qu'ils ont pris les armes, ils ont combattu les musulmans. C'était déjà, il y avait une bid'a. D'accord? Mais il faut comprendre que les khawarij ne faisaient pas partie des sahaba. Et c'est pour ça qu'on a expliqué que. Yani, tu parles peut-être du hadith de l'homme qui a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, sois juste. Je sais pas de qui tu parles. Est-ce que tu parles de Muawiyah ou tu parles de Khawarij? Parce que Muawiyah n'était pas un Khariji. La division ou la différence d'opinion qui s'est passée entre les Sahaba, ça rentre pas dans les sectes. Ça rentre juste dans une division d'Ijtihad. Et ça, c'est pas une division dans la Ummah. Nous, on parle, quand on parle de division, là, ici, maintenant, en ce moment, on parle pas d'une division, comme par exemple, dans une position d'Ijtihad entre les savants. Ça, c'est des formes de différences d'opinion qui ont existé au temps des Sahaba et qui existeront toujours dans la Ummah. Et Allah nous dit dans le Coran, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. Donc Allah سبحانه وتعالى nous dit dans le Coran que si vous avez une différence d'opinion ou une divergence sur quoi que ce soit dans la religion, de le ramener à Allah pour le clarifier entre les savants et les sahaba. Ouais, des batailles et des guerres, ça c'est arrivé. Et les Sahaba, et les ulama ont dit au sujet de la guerre qui est arrivée entre les Sahaba, qu'ils sont tous des mujtahidin. Et qu'ils ont tous une récompense. Ils ont déjà participé à la guerre de Badr. Ils ont, Naam, le prophète Rasul a dit que les gens de Badr, ouais, il a dit, les gens de Badr, vous pouvez faire ce que vous voulez. Car on vous a pardonné vos péchés. Non, c'est pas, je pense que tu mélanges. C'est ça. Il y a, c'est la même personne, mais c'est pas les mêmes personnes qui ont tué Ali. Ali, c'était, Ibn Muldim. C'était un Khariji. faisait partie de la secte des Khawarij. Et c'était pas un Sahabi. C'est un Khawarij qui a combattu Ali. Mais il faut, parce qu'il y a des gens qui ont entendu, qui ont eu des informations au sujet de cette période, un peu confuses, un peu mélangées, et ils ne sont pas capables de mettre chaque chose en ordre, qu'est-ce qui s'est réellement passé à cette période. C'est pour ça, premièrement, quand on étudie cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé, on doit vérifier les sources d'informations, pour que, de savoir, à savoir est-ce qu'elles sont authentiques. Parce que les chiites ont raconté un paquet de mensonges sur les autres, sur les sahaba et sur ce qui s'est passé à cette époque. Ça c'est de un. De deux, il y a eu les khawarij, il y a eu la position de Muawiyah. On a expliqué déjà une fois que entre Muawiyah et Ali, il n'y avait pas d'animosité. Et ils n'étaient pas un contre l'autre. Mais c'est juste que Muawiyah voulait que le sang de Othman soit vengé tout de suite et que les coupables de sa mort soient punis. Et c'était des Khawarij qui avaient tué Othman. Tandis que Ali, lui, disait qu'il fallait déterminer qui allait être le Khalifa tout de suite et choisir le Khalifa et par la suite trouver les coupables de la mort de Othman et les punir. Et étant donné, c'est une mésentente entre les deux, et ils se sont battus l'un avec l'autre. Et souvent, la cause des guerres, quand ils ont commencé entre eux, c'était pas volontaire, ça a été causé par perturbateurs qui se sont infiltrés à l'intérieur d'un camp de l'autre, et pendant la nuit, et qui ont fait en sorte que Ils commencent à s'attaquer, oui c'est ça. On n'appelait pas les Khawarij les gens de Muawiyah? Non, non, on n'appelait pas les gens de Muawiyah Khawarij, on l'appelait... Okay. Ouais, c'est ça. Les gens de Muawiyah, on l'appelait... Non, on n'appelait pas Khawarij. Non. Alors que c'était un Sahabi. Ouais. Et puis les deux étaient des Sahaba. Les Khawarij c'était un troisième groupe. Les Khawarij étaient un troisième groupe et ils considéraient Muawiyah et Ali tous des kuffars. Tous, ils considéraient tous les Sahaba comme étant des kuffars. Allah dit dans le Coran : Wa in ta'ifatan min al-mu'minin iqtatalu fa aslihu baynahuma. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Donc Allah il confirme dans le Coran que deux groupes de croyants peuvent se combattre. Hein? Une fois ils fatani min al mu'minin. Allah les a décrits comme étant quoi? Des mu'minin. Iqtatalu. Donc si deux parmi les croyants se combattent, se tuent les uns les autres, faites l'entente, essayez de faire une réconciliation entre les deux. Mais si un des deux groupes transgresse contre l'autre, alors arrêtez celui, combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah. Hein? Donc, ça c'est la preuve que deux groupes parmi les croyants peuvent se combattre entre eux, et puis que le hadith qui dit si deux musulmans se rencontrent avec leur épée, alors les deux sont dans l'enfer. Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des kuffars. Vous comprenez? Ça ne veut pas dire qu'ils deviennent des kuffars. Sauf qu'ils ont une intention de se tuer et ça, c'est un péché. Et on a expliqué une fois, je pense, à ce sujet de la foi de Ahl Sunnah wal Jama'a, la position de Ahl Sunnah wal Jama'a au sujet de la foi, c'est que si une personne fait un péché, on ne dit pas qu'il est kafir. Hein? Même tant qu'il fait, tant qu'il est musulman, on ne dit pas qu'une personne qui commet un grand péché sort de la foi complètement. On dit que sa foi est faible ou que sa foi est diminuée, mais il reste parmi les mu'minines. Non, mais ça avait un point, c'était un peu plus. Récent. Non. Ils ne sont pas récents, ouais. Non, c'est vrai. Des siècles, ouais. Exact. Mais même si elles sont anciennes, même si elles sont anciennes, on voit que depuis le temps qu'elles sont apparues, les Sahaba ont toujours eu la même position vis-à-vis de ces innovations-là. Quand elles sont arrivées, ils les ont toujours dénoncées et rejetées. Par exemple, le premier qui est venu avec la bid'a du qadar, qui a nié al-qadar, les gens sont allés voir Ibn Omar pour lui demander, il y a Ibn Omar, il y a des gens de telle région qui disent qu'il n'y a pas de qadar, que les choses ne sont pas prédéterminées ou prédestinées. Et Ibn Omar a dit, dis-leur que je me désavoue d'eux et qu'eux n'ont rien à voir avec moi. أنا بريء منهم وهم براء مني. Donc ça c'était sa position vis-à-vis de ces gens-là, tu vois. Et là il a mentionné le hadith de Jibril qu'on connaissait. Donc ça c'est un exemple comment les Sahaba ont agi vis-à-vis une bid'a en particulier. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il a récité les Khawarij. Avant que Ali sorte pour aller les combattre, il est parti les rencontrer dans leur camp. Et il s'est assis avec eux et il leur a dit qu'est-ce que tu critiques à Ali ibn Abi Talib, qu'est-ce que tu lui critiques ou qu'est-ce que tu critiques aux Sahaba, etc. Et là ils ont donné quatre objections pourquoi ils sont contre Ali ou contre les Sahaba. Et là Ibn Abbas les a récités une après l'autre et il est retourné je pense avec 2000 d'entre eux. 2000 d'entre eux se sont repentis et sont revenus à la Sunna, tandis que les autres sont restés avec les Khawarij. Il est là-dedans. Et la première objection, je pense, c'était que pourquoi, en premier, ils lui ont dit pourquoi quand Ibn Abbas est venu, il a mis un très beau vêtement, d'accord? Il est arrivé devant les Khawarij. Les Khawarij ont dit c'est quoi ce beau vêtement que tu portes? Hein, il se posait de mettre quelque chose de vraiment simple, humble et tout. Et Ibn Abbas leur a dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait un vêtement plus beau que celui que je porte maintenant. Hein? Donc, comment, si vous me critiquez moi, vous devez critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi. Et ça, il ne faut pas. Alors, le bon, allez, c'est quoi vos objections? Première objection, il dit, Ali ibn Abi Talib ne s'est pas nommé Amir al-Mu'minin. Il a enlevé le titre Amir al-Mu'minin. Donc ça veut dire qu'il n'est pas Amir al-Mu'minin, il est Amir al-Kafirin. Donc, forcément. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit pour les réfuter? Il leur a dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait al-Sulh al-Hudaybiyya, quand il a fait le traité de al-Hudaybiyya, ils ont dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il a dit, nous on ne connaît pas ar-Rahman. Là, il fait ça. Et après, il a dit, on ne croit pas que tu es Rasulullah. Si on croirait à ça, on ne serait pas en guerre avec toi. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait effacer Rasulullah. Hein? Oui. Et donc, il a écrit Muhammad ibn Abdullah. Donc, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté d'effacer ça, alors pourquoi on blâme Ali de ne pas avoir dit Amir al-Mu'minin? Hein? Donc ça c'était leur première objection. Une autre objection qu'ils avaient, pourquoi ils n'avaient pas pris les femmes et les hommes en esclavage parmi ceux qu'ils avaient combattus? Et là, il a dit, Ibn Abbas a répondu, il a dit, écoute, parmi les gens qui ont été combattus, il y avait la mère des croyants, Aïcha radhiyallahu anha. Est-ce que tu crois que c'était permis pour un croyant de prendre sa mère en esclavage? Donc il a donné des exemples comme ça. Il y avait une autre objection qu'ils ont donnée, c'était pourquoi ils ont fait une sorte de tahkim. Ils ont choisi deux parmi les deux groupes qui se combattaient pour être juges, pour essayer de faire d'arriver à une réconciliation entre les deux. Donc, eux, ils ont dit, « La hukma illallah »,« Inul hukmu illa lillah », le verset dans le Coran qui dit, « Inul hukmu illa lillah », le jugement n'appartient qu'à Allah. Donc, le fait d'avoir mis ces deux personnes-là comme des juges, ça c'est kufr. Tu as donné le droit à d'autres que Allah de juger. Et là, Ibn Abbas leur a donné un autre verset pour leur montrer, par exemple, que dans certains cas, Allah nous a donné le droit de prendre quelqu'un pour juger, pour réconcilier deux personnes. Par exemple, lorsqu'il y a un conflit entre deux époux, il prend hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. On prend un juge de sa famille, de la famille de l'homme, et un juge de la famille de la femme, et les deux, ils essaient de faire une réconciliation. Donc, quand Ibn Abbas a terminé de, il dit, est-ce que vous avez d'autres objections? Et là, ils n'avaient plus rien. Donc, il a dit, alhamdulillah, et là, il est reparti, et avec lui, il y en a environ comme 2000 qui sont revenus avec lui. Donc, j'ai essayé de vous résumer un petit peu l'histoire, mais je ne me souviens pas exactement de tous les détails. Je sais que c'est Cheikh Mohamed Aman qui l'a mentionné dans sa cassette, et il y a aussi dans son livre aussi qu'il a expliqué, c'est peut-être dans le petit message que je traduis là, Al-Aqidat al-Islamiyya wa Tarikhouha. C'était là-dedans? Ouais, c'est pas ici. Ah, ok. Ah oui, c'est ça. J'ai pas fini encore, mais ça s'approche, Inch'Allah. Hibru l'Umma, ça c'est l'imam de cette Umma, Ibn Abbas, un des grands ulama. Mais moi, qu'est-ce qui m'étonne, c'est comment des gens ont pu essayer même de s'opposer à quelqu'un comme Ibn Abbas, hein, dans l'ilm, c'est incroyable. Subhanallah. Les gens, les personnes, ils défendaient la position que le chanson est normal. Et ils disaient, ils répétaient, Abbas, qui était à Abdel Moussoul, ils répétaient ce qu'ils ont dit. Allah le Musta'an. Du coup, c'est des gens qui ont parlé de parapluie. Il a pris aussi, normal, il a pris des chairs dans le temps. Ouais, des temps. Ouais. Les gens sont mis après, oui. Ouais. On essaie de rendre ça halal. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Celui qui veut chercher les, comme on appelle ça, zallat, alors là, c'est-à-dire des faussetés ou des erreurs de certains ulama. Il n'y a pas un alim excepté qu'il a une zalla, ou qu'il a une grave erreur qu'il a faite, une erreur qu'il a faite sur l'islam. D'accord? Il y en a beaucoup. Donc, il y en a des gens, ils font juste chercher les erreurs de différents ulama pour les suivre. Hein? Pour se permettre leur passion, de suivre leur passion. Exactement. Pas toi, Chapé. C'est ça. C'est libre service. Hein? Libre service. Donc, ça, c'est une suite là. Mais, Allah le Musta'an. Où est-ce qu'on était rendu? Juste pour terminer, pour être sûr qu'on avait bien terminé. Donc, oui, c'est ça. Les chefs, ils disent que, après que la division est arrivée, c'est-à-dire la division en ce qui concerne la croyance, hein, parce qu'au début, la division, c'était pas pour la croyance. Les Sahaba, ils se combattaient entre eux, ils étaient tous sur la même aqida. Quand ils ont commencé à se diviser sur la croyance, les gens ont amené des bid'ahs dans la croyance, c'est là que la vraie division est arrivée. Et donc, les salafs qu'on doit suivre, c'est ceux qui ont eu une bonne aqida, qui sont restés sur la bonne aqida et le bon manhaj, et qui sont restés sur la compréhension des sahaba et des gens qui sont restés sur la croyance des salafs dans les trois premiers siècles. Et c'est de cela qu'on parle lorsqu'on dit as-salaf. Et c'est un terme qui est synonyme aux autres noms légaux qu'on a mentionnés plus tôt, parce que ce sont eux qui sont Ahl-Sunnah, comme on a expliqué ça. Donc on s'arrête ici, Alhamdulillah Rabbil Alameen, et puis on va continuer la semaine prochaine à expliquer l'obligation d'appartenir ou de montrer ou d'exprimer la voix des salaf, d'expliquer la voix des salaf. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نعم. Ouais. Les quatre. Ouais. Ok. L'opinion qui est correcte, c'est la cinquième, si tu veux. Celle qui. C'est pas une question. C'est les Sahaba, mais c'est pas une question de temps. C'est une question, est-ce qu'ils ont été en accord avec le Coran et la Sunna, hein? Par exemple, parmi les Sahaba, on va dire, il y en a une fois, quand c'était le temps de jeûner, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé un verset qui dit, حتى يتبين لكم الخيط الأبيض. Je ne l'ai pas. Ouais. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, jusqu'à ce que حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Yani, si je ne comprends pas, c'est une seule aya. Donc, il dit, manger, ou vous pouvez, comme en blindé, vous pouvez manger. Ouais, jusqu'à ce que vous soyez capable de distinguer la ligne noire et la ligne blanche de l'aube. Il y a un sahabi, il prenait deux cordes, une blanche et une noire, il la mettait sur son lit, et là, il attendait d'être capable de distinguer l'une de l'autre. Et lorsqu'il était capable de les voir les deux, là, il s'était de manger. Oui, c'est ça. Donc là, le fait qu'il était déjà rentré, dans ce cas-là, l'aube était déjà passée. Alors, le prophète sur la fin lui a expliqué, non, c'est pas de cette ligne-là qu'on parle. Al-Khayt al-Abyad ou Al-Khayt al-Aswad, on parle de l'horizon de la terre. Lorsqu'à l'aube, quand l'aube apparaît, au début, dans un endroit où il n'y a pas de lumière, qui est capable de voir une ligne blanche qui commence à apparaître. Et ça, c'est le début de l'aube. Alors, le Sahabi n'avait pas compris comme il faut. Mais quelqu'un qui aujourd'hui voudrait suivre cette compréhension du Sahabi, il serait dans l'erreur.